soit un messie, je ne suis qu'un de ses apôtres. Malgré ça, c'est une lumière que j'apporte. Je refuse d'être une chimère, une ombre parmi les autres, une étoile qui s'éteint, un brave projet qui avorte. Je m'efforce de faire en sorte que mon parcours soit sans faute. Et je veux qu'on m'écoute, pas qu'on m'ignore ou qu'on s'en fout. J'ai besoin de prier sur un chemin sans vacille, ne pas finir aux oubliettes. Je suis là pour t'oublier. Je suis un fou allié, lié à la musique. J'ai un aliéné, poétique et frénétique. Un alien est né dans la frénésie musicale. Un talent inné m'a fait fabriquer des disques. Rien ne peut me stopper, je puise mon énergie dans une musique émergente, cette synergie créée par mes rimes, mes basses rythmiques et mes notes. Sans oublier mon flow et les histoires que j'aime narrer. Je suis attaché au hip-hop et je peux pas m'en séparer. De l'acier et du titane forme l'alliage de mes menottes. Même si tu t'y fais pas, tu devras bien t'y préparer. L'alliance est indestructible, c'est ce que mon esprit dénote. Amoureux de la rime, des voyelles et des consonnes. Au style, au cliché, je frappe violemment des consonnes. Le bon, je combat, t'es la putain de samouraï.